الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 84 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Et aujourd'hui donc, comme je disais, c'est le cours 84. Et on continue à partir des points qu'on avait laissés hier. Le Cheikh, il expliquait donc certaines choses que font les awliya du shaitan, hein, du fait que parfois ils vont, comme le Cheikh il dit, s'isoler dans des endroits yani pendant des longues périodes, et ils vont s'abstenir de manger et de boire, et par la suite yani, ils vont à cause de ça yani, parfois ils vont par exemple abandonner, comme je disais, la nourriture, et ils vont s'abstenir de boire pendant une longue période. Ils vont rester isolés et enfermés dans des grottes ou dans des monastères ou dans des endroits fermés. Et pendant ce temps-là, ils vont avoir toutes sortes d'états, hein, dans lesquels ils vont être, et ils s'imaginent parfois qu'ils ont des apparitions, ou qu'ils ont la visite des anges, ou bien qu'ils reçoivent des messages divins ou des révélations dans ces situations-là. Et en général, souvent ça c'est à cause du manque de nourriture et du manque de... Le fait de ne pas s'hydrater pendant de longues périodes, et de rester comme ça tout seul pendant longtemps, soit dans la forêt, dans les montagnes, dans des endroits clos, dans des monastères comme je disais, ou bien dans des grottes. Il reste comme ça isolé pendant longtemps, puis après il commence à avoir des hallucinations à cause de ça. Et eux, ils pensent que ça, c'est les anges qui descendent sur eux, hein, ou des esprits qui se manifestent à eux. Donc parfois, ils pensent que c'est les esprits qui sont présents dans des statues ou dans des tombes, hein. Parfois, les awliyas, ceux qu'ils prétendent être des awliyas, hein, ils vont à leur tombe et ils s'imaginent que les morts leur parlent, leur adressent la parole, hein, et des choses comme ça. Et on a mentionné l'exemple justement de l'auteur du livre Al-Futuhat Al-Makkiya, c'est-à-dire Ibn Arabi, qui par exemple a mentionné dans son livre Al-Futuhat Al-Makkiya lui-même qu'il a reçu ce livre, hein, il prétend qu'il a reçu ce livre-là de quelqu'un qui est venu lui apporter. Et en réalité, c'était pas le messager, hein, parce que lui il prétend que c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam qui est venu lui donner ce livre là hein, c'est-à-dire le livre qu'il a écrit, il prétend que ce livre là c'était pas de lui, mais c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu lui-même lui donner le livre pour qu'il l'écrive, alors qu'en réalité, comme le cheikh il l'explique, c'est le shaitan, c'est uniquement le shaitan qui lui a apporté ce genre de, hein, de choses. Et on a donc parlé de ça hier, et le cheikh il va donner d'autres exemples, parce qu'il y a beaucoup de gens parmi les awliya du shaitan qui utilisent certaines situations comme ça, ou certains états qui font partie des états par exemple que les gens considèrent comme étant surnaturels ou hors de l'ordinaire, hein, sur des choses surnaturelles ou inexplicables rationnellement ou scientifiquement. Puis eux, ils utilisent ça comme preuve pour essayer de supporter leurs croyances et leurs pratiques. Hein, comme les chrétiens, par exemple, tu vas voir que parmi eux, les catholiques, par exemple, ils vont dire, bon, parmi les preuves que qu'est-ce qu'on fait c'est correct, et qu'est-ce qu'on fait c'est bon, et que c'est la vérité, c'est parce que on a des apparitions, par exemple, de la Vierge Marie. La Vierge Marie nous apparaît et elle nous parle et elle nous dévoile des choses, elle nous dit des choses. Hein. Donc, il pense que le fait d'avoir ces apparitions-là, que ça, c'est des signes de vérité. Et même dans ma propre famille, je me rappelle ma grand-mère qui disait que elle avait des apparitions de la Vierge Marie tout le temps. Hein? Et quand je lui ai demandé comment elle était, hein, de la décrire quand elle l'a vue, puis elle me disait, elle était illuminée, elle était en blanc, et elle était comme ça au pied de mon lit, et en tout cas, elle décrivait toutes sortes de choses. Et il dit, j'ai dit, mais ça c'était le diable qui est venu, hein? C'est le diable qui t'est apparu en réalité. Et elle dit, oh non, c'était pas le diable, parce que elle était belle, hein? Elle était belle, elle était illuminée, elle était brillante, elle était blanche, hein? Donc ça pour elle c'est la preuve que ça pouvait pas être le diable, alors qu'en réalité, hein, le shaitan il est bien plus rusé que qu'est-ce que ces gens là pensent. Hein, eux, ils s'imaginent que hein, le shaitan, s'il va leur apparaître, il va leur apparaître dans une image ou une apparence qui est repoussante et laide. Mais le shaitan est beaucoup plus rusé que ça. Hein, il sait très bien que s'il apparaît dans sa vraie apparence, que personne ne va, hein, ou bien disons peut-être même pas personne, je ne vais pas dire personne, mais je dirais que c'est sûr que par exemple les chrétiens ne vont pas accepter ce qu'il dit directement. Mais par contre, on sait qu'il y a des gens, par exemple, certains qui sont satanistes, hein, qui eux adorent directement le shaitan et qui le représentent par un monstre avec des cornes et toutes sortes de choses comme ça. Donc eux, il y a le fait que le shaitan soit laid ou repoussant, ça les décourage pas de l'adorer et de faire de lui une divinité, alors qu'en réalité il ne mérite pas l'adoration. Donc ça c'est un exemple. Et aussi par exemple, parmi les exemples, c'est que le shaitan il peut changer de forme, il peut changer d'apparence, et il sait très bien que les chrétiens, si il veut les séduire et les égarer, la meilleure façon justement c'est de se faire paraître comme d'apparaître comme une femme illuminée qui est belle, de belle apparence, hein. Comme ça les gens quand ils la voient, ils s'imaginent que c'est la Vierge Marie, alors que c'est en réalité le diable. Également, certains d'entre eux ils disent par exemple que les prêtres, hein, ils font des exorcismes. Que par exemple, quand quelqu'un est possédé par des démons, hein, ou des diables, ils vont voir le prêtre et ils font des cérémonies d'exorcisme et ils chassent les démons, hein, ils chassent les démons, soi-disant, au nom de Jésus, au nom de l'Église, des choses comme ça. Et ça, encore là, c'est pas une preuve. Ça, encore là, c'est pas une preuve. Puisque en réalité, le shaitan, le diable, il se ruse, hein, il ruse contre les chrétiens en leur faisant croire justement que ce genre d'exorcisme fonctionne. Hein, soit avec de leur eau qu'il prétend que c'est de l'eau bénite, alors qu'il n'y a rien de béni dans cette eau-là, hein, et ou bien avec la croix, alors qu'on sait très bien que la croix c'est une idole, hein, et que Jésus n'a jamais prié à une croix ou n'a jamais ordonné à ses apôtres de prier à une croix ou d'utiliser la croix pour quoi que ce soit. Donc l'utilisation de la croix comme un symbole religieux pour prier ou bien pour adorer ou bien pour faire de l'exorcisme, ça vient pas du tout des enseignements de Jésus, le fils de Marie. Donc ça encore, c'est une ruse du shaitan pour égarer les chrétiens. De même que ils utilisent des prières, des incantations ou des choses comme ça qui contiennent des formes de shirk, et en réalité c'est comme ça que le shaitan réussit à les tromper en les faisant tomber encore plus profondément dans l'idolâtrie et le shirk qu'ils font. Et lorsque le shaitan voit ça, eh bien, il est satisfait. Alors, il sort du corps de la personne possédée parce qu'il a atteint son objectif, il a atteint son but, il a réussi à les égarer. Il a réussi à les égarer et à les convaincre de leur shirk encore plus alors à partir de ce moment-là, il est content, il sort, hein, non pas parce que il a peur, hein, de Dieu, ou bien parce qu'il a peur de qu'est-ce que ce prêtre-là est en train de faire. Au contraire, hein, c'est uniquement pour tromper les chrétiens encore plus. Également, donc ça fait partie des exemples. Et il y a beaucoup d'autres exemples à ce sujet-là. Donc ça fait partie des exemples. Et en même temps, on peut dire aux chrétiens, hein, on peut dire aux chrétiens que si eux, ils pensent que les signes ou les choses qu'ils font, comme par exemple ce qu'ils prétendent être des miracles ou des choses de ce genre, si eux, ils pensent que ça, c'est des preuves pour essayer de justifier leur mécréance et leur idolâtrie, hein, quand ils adorent Jésus et Marie et les saints, eh bien, on pourrait, hein, leur poser la même question par rapport aux hindous et par rapport aux bouddhistes et par rapport à d'autres personnes dans d'autres religions et d'autres croyances qui, eux, yani, font des choses, eux aussi, qui sont hors de l'ordinaire, extraordinaires, qui sont surnaturelles et qui prétendent parfois même que c'est des miracles, hein, au nom de l'hindou, de leur dieu hindou, ou bien des miracles que certains font, par exemple, au nom du bouddhisme ou d'autres croyances. Donc, est-ce que vous allez dire que ça aussi c'est vrai, hein, et que ceux qui font ces actes d'idolâtrie sont justifiés eux aussi dans leur idolâtrie, hein? Alors bien entendu, ils vont pas accepter ça, ils vont pas justifier ça. Alors nous, on leur dit la même chose, hein? Les formes d'idolâtrie que vous pratiquez, hein, elles ne sont pas agréées par Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah a interdit l'idolâtrie et d'adorer quiconque en dehors de lui, et également même Jésus lui-même n'a jamais approuvé de ça. Et même que ça, c'est une des références qui est mentionnée dans le Coran et qui est mentionnée également dans leurs livres. Lorsque des gens viendront au jour de la résurrection et ils diront « N'est-ce pas en ton nom qu'on avait chassé les démons et qu'on avait fait telle ou telle chose, tel miracle ?» Et il va dire, hein, « Éloignez-vous de moi, hein. » Je n'ai rien à faire avec vous, hein, en voulant dire, je me désavoue et je suis innocent de vous. Parce que c'est pas en le nom de Jésus qu'il faut faire des miracles ou qu'il faut faire le fait de chasser les démons ou de faire des exorcismes, mais plutôt au nom d'Allah seul, hein. Et en tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la même chose dans le Coran, lorsque il dit anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Il va dire, loin à toi, je ne peux pas dire ce dont je n'ai pas le droit de dire, ou ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'aurais dit, tu l'aurais su. Hein? Donc ça, c'est des exemples de qu'est-ce qu'on a mentionné. Ensuite, le cheikh, il continue. Il dit « وَهَذِهِ مِمَّا تَفْتَحُ لِصَاحِبِهَا اتِّصَالًا بِالْجِنِّ وَالشَّيَاطِينَ فَيَظُنُّونَ ذَلِكَ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَإِنَّمَا هو من الأحوال الشيطانية وأعرف من هؤلاء عددا ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود. Donc le cheikh, il dit le fait de faire ce genre d'isolement et de faire ce genre de retraite et de s'isoler et de s'abstenir de manger et de boire pendant une longue période de temps comme ça, eh bien ça, le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ça leur ouvre, hein, ça leur ouvre une communication avec les djinns et les shayatins, et eux, c'est ça ce qu'ils recherchent à la base, Hein? Et il pense que ça fait partie des karamats des awliya de pouvoir faire ça. Alors que ça ne fait partie que des états diaboliques en réalité. Et le cheikh il dit, et je connais un nombre de personnes dans ce genre, et parmi eux, il y en a même qui sont portés dans les airs jusqu'à un endroit très éloigné et qui reviennent. Et le cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ce passage-là. Premièrement, il dit, يعني وهذه تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين إذا خلى وترك الأكل والشرب مدة يأتيه الشيطان ويغريه ويظن أنه ملك من الملائكة. Donc le cheikh il dit, quand la personne reste longtemps comme ça, isolée, sans boire ni manger, le diable vient à lui. Parce que le fait de s'abstenir de manger et de boire et de rester isolé longtemps comme ça, eh bien ça affaiblit son système et ça le rend apte à, ou bien plus propice à faire des avoir des hallucinations et en même temps aussi, étant donné qu'il a faim, il a soif, il est faible, eh bien il va délirer, ou bien il va entendre des voix même parfois, et il s'imagine que ça c'est des diables, s'imagine que ça c'est des anges alors que c'est des diables. Le cheikh il dit, فَيَظُنُّونَ ذَلِكَ مِنْ كَرَمَاتِ الْأَوْلِيَاءِ. Donc eux ils pensent que ça fait partie des karamats, des prodiges que font les serviteurs rapprochés d'Allah, alors que ce ne sont que des états diaboliques. Et le cheikh Al-Fawzan il dit, يَظُنُّونَ أَنَّ الَّذِي يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ هَذِهِ الْغَرَائِبِ مِنَ الْكَرَامَاتِ وَأَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ وَالْوَاقِعُ أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ كَرَامَاتِ وَإِنَّمَا هِيَ خَوَارِقُ شَيْطَانِيَةٌ وَإِنَّهَا إِهَانَةٌ لَهُمْ عَلَى يَدِ الشَّيْطَانِ لِيُضِلَّهُمْ. Donc le cheikh il dit, il pense que ces choses-là qui leur arrivent sont des miracles ou des prodiges. Donc ces choses étranges qui leur arrivent, eux ils pensent que ce sont des prodiges et que ce sont des preuves ou des signes qu'ils font partie des serviteurs rapprochés d'Allah, alors qu'en réalité ce ne sont pas des prodiges divins, mais plutôt ce sont des actes, des choses surnaturelles qui sont d'origine diabolique. Et il dit, إِنَّهَا إِهَانَةٌ لَهُمْ. Donc c'est le diable qui les humilie et qui cherche à les égarer. Et qui cherche à les égarer en leur faisant apparaître ces choses-là. Et le cheikh il dit, وَأَعْرِفُ. Donc il dit qu'il connaît certains exemples de gens qui ont fait ce genre de choses. الشيخ الفوزان يقول الشيخ يعرف من هؤلاء الذين ابتلوا بهذه الخلوات وهذه النزغات يعرف منهم عددا في وقته رحمه الله. Donc le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il connaît de cette catégorie de personnes qui ont été éprouvées par ce genre de retraite et d'isolement, et qui ont subi ce genre de situation ou de ce genre d'apparition, si on veut. Et le Cheikh il dit que il en connaissait donc quelques-uns dans son époque qui avaient subi ces choses-là. Et ensuite il dit, وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْمَلُ فِي الْهَوَى. Donc il dit, il y en a qui sont portés dans les airs jusqu'à un endroit très loin et qui reviennent. Et le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit, وَمِنْهُمْ مَنْ تَخْدِمُهُمُ الشَّيَاطِينَ إِذَا تَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ وَأَطَاعَهُمْ يعني خدموه فَصَارُوا يَطِيرُونَ فِي يطيرون به في الهواء ويظن الناس أنه هو الذي يطير بنفسه ويقولون هذه كرامة يعني يطير في الهواء يمشي على الماء يمشي على البحر ولا يغرق ويدخل النار والجمر وما أشبه ذلك ولا تأكله وإنما هذه الأعمال شيطانية الشياطين تحمله وتعمل له هذه الأشياء بسبب أنهم أو بسبب أنه أطاعهم وخدموه كما قال عز وجل ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم إن الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا فاستمتع بعضنا ببعض الإنسي أطاع الجني فهذا استمتاع الجني بالإنسي أنه أطاعه والجني خدم الإنسي أو خدم الإنسي حمله في الهوى وما أشبه ذلك من الخوارق فهذا استمتاع من الإنسي بالجني استمتع بعضنا ببعض. Donc le cheikh explique que parce que Ibn Taymiyyah a dit que certains d'entre eux sont portés même dans les airs et qu'ils vont très loin et qu'ils reviennent. Il dit le cheikh Al-Fawzan à propos de ça que certains d'entre les parmi les awliyas du shaytan, les alliés du shaytan, le shaytan les sert, le shaytan est à leur service. Et donc ils font certains actes d'adoration pour se rapprocher des diables et des shayatines, et en échange ou en retour, les shayatines leur rendent service, ils viennent à leur service, et ils les servent, donc ils les portent dans les airs par exemple. Alors quand les gens les voient, ils s'imaginent que ils sont en train de voler dans les airs, alors qu'en réalité, ce sont les shayatines qui les portent. Et eux, ils prétendent que ça, c'est des karamat, des prodiges, des miracles, qu'ils peuvent voler dans les airs ou marcher sur l'eau, ou marcher sur la mer sans se noyer ou sans s'enfoncer dans l'eau. Donc, ils peuvent parfois aussi marcher sur le feu, marcher sur des braises, sur du charbon ou des braises et des choses de ce genre sans se brûler, sans se faire brûler. Et ça, c'est des actes du shaitan. C'est le shaitan qui les aide à faire ça et qui les porte dans les airs, Et le shaykh, il dit وَتَعْمَلْ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Donc les shayatines, c'est eux qui font pour eux ce genre de travail ou ce genre de choses, بِسَبَبِ أَنَّهُ أَطَاعَهُمْ وَخَدَمُوهُ, parce que ils ont obéi au shaytan, alors le shaytan leur rend service en retour. Donc c'est des relations comme ça entre les sorciers, entre les voyants, entre les gens qui font ce genre de pratique de sihr ou de voyance ou de toutes sortes d'autres tendances comme ça. C'est cette relation qu'il y a d'échange. Ils disent tu fais un sacrilège et nous en échange on te donne telle propriété, telle capacité, tel don. Et il y en a de toutes sortes, yani Allah al-Musta'an. Il y en a qui désirent, par exemple, ça c'est en particulier ceux qui font de la sorcellerie ou qui ont recours aux sorciers. Parfois ils peuvent dire, par exemple, moi je voudrais avoir, par exemple, le succès. Je veux avoir le succès. Je veux être célèbre. D'autres qui disent, moi, je voudrais avoir beaucoup d'argent. ou bien d'autres qui disent, moi je veux avoir des femmes, hein, parce que certains d'entre eux par exemple ils n'arrivent pas à attirer les femmes qu'ils veulent. Alors ils vont voir un sorcier et ils vont leur demander quelque chose pour pouvoir avoir du succès dans ce genre de choses, et les sorciers vont leur permettre de faire ces trucs là. Donc même si ça c'est pas relié directement à qu'est-ce qu'on est en train de mentionner, mais ça a un lien avec ça, puisque les shayatines, ils rentrent en contact avec cette catégorie de personnes pour leur rendre des services et ils travaillent avec eux. Donc ceux qui sont en contact avec les shayatines, avec les djinns, eh bien c'est cette catégorie de personnes. Et parmi les soufis, hein, il y en a beaucoup qui utilisent justement la sorcellerie et qui rentrent en contact avec les djinns pour se faire passer justement pour des awliyas. Sauf que c'est vrai que ce sont des awliyas, sauf que ce ne sont pas des awliyas d'Allah. Ce sont des awliyas du shaytan, des alliés du diable. Ensuite, le cheikh, il mentionne que donc dans le Coran, il y a justement une référence à ce sujet-là. Et cette référence est dans Sourate Al-An'am. Dans Sourate Al-An'am, le verset 128, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté de djinn, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront: ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. Hein, parce qu'on dira aux djinns, aux communautés de djinns, vous avez trop abusé des humains. Et les alliés des djinns parmi les humains diront: ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. C'est-à-dire, c'est pas eux qui ont profité de nous seulement, mais nous aussi on a profité d'eux. Il dit: nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire: l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Donc ça c'est le verset 128 dans Sourate Al-An'am à ce sujet. Et le Cheikh, il dit donc qu'ils ont plutôt profité les uns des autres. L'être humain a obéi au djinn. Alors à cause de ça, le djinn a joui et a profité de l'être humain, hein, du fait que l'être humain lui a obéi, et le djinni a servi l'être humain, et donc il l'a porté par exemple dans les airs pour le faire voler. Ça c'est un exemple. Et il y a d'autres exemples semblables. Et donc il dit le cheikh que ça c'est le fait que le djinn il serve l'être humain et qu'il le porte dans les airs par exemple. Et bien ça c'est un exemple de la façon dont les êtres humains ont joui des djinns, comme Allah il le dit dans le verset: istamta'a ba'duna bi ba'd. Il cite leurs propos lorsqu'ils disent: on a joui ou profité les uns des autres. Après, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit: wa minhum man kana yu'ta بمال مسروق تسرقه الشيطان ويأتيه ومنهم من كانت تدله على السرقات ومنهم من كانت تدلهم على السرقات. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a mentionné ici que ça fait partie des choses que le cheikh qu'est-ce qu'il a mentionné, yani? Pardon, je m'excuse. Non. Ok, donc il y en a parmi eux qui parfois ils viennent avec Non, ils viennent avec des biens volés. Et c'est les diables et les shayatines qui volent ces biens-là pour eux. Donc, ils ont des biens qui leur apparaissent ou qui leur viennent, et c'est les diables qui volent ces choses-là pour eux. Il y en a d'autres qui indiquent à ces gens-là où se trouvent des choses qui ont été volées. Donc, ici, le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْضُرُ الْأَشْيَاءَ أَوْ يُحْضِرُ pardon, وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْضِرَ الْأَشْيَاءَ الْمَفْقُودَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْضِرَ الْأَشْيَاءَ الْمَفْقُودَةَ Donc c'est ça. Il y en a parmi eux, c'est-à-dire parmi ces gens-là qui ont contact avec les shayatines et les djinns, il y en a qui leur apportent de l'argent volé. Hein? C'est les shayatines qui volent pour eux, et d'autres qui, comme j'ai dit tout à l'heure, ils leur indiquent où se trouvent des choses qui ont été volées par d'autres. Et Cheikh Al-Fawzan, il commence à expliquer. Minhum man yuhdir al-ashya' al-mafquda. Idha da'a li ahadin shay'un, idha da'a li ahadin shay'un, dhahaba lahu al-miskin wa qala da'a li kadha. Fayuhdir lahu ma lahu wa yadhunnu al-miskin al-insi anna hadha min karamatihi wa annahu ahdaraha wa huwa min 'amal ash-shaytan. Ash-shaytan هو الذي أحضره له أو أحضر له هذا الشيء لأن الشياطين تقدر على ما لا يقدر عليه الإنسان وتطلع على ما لا يطلع عليه الإنسان فتأتيه بالشيء المفقود أو تخبره أن مالك في المحل الفلاني تطلع على ما لا أوكي فتأتيه بالشيء المفقود أو تخبره أن مالك في المحل الفلاني لأنها تطلع أو أنها تسرق من أموال الناس وتأتي له بالمال ويقول هذا كرامة وهذا حضر كرامة من الله وهو من الشيطان وليس من الله لأنه سبق لكم أن الخارق للعادة إذا كان مع الاستقامة والطاعة فهو كرامة وإن كان مع الكفر والضلال فهو خارق شيطاني وليس كرامة وليس كرامة من الله عز وجل ولا يشتبه هذا بهذا نعم juste un instant je reviens pour une minute inshallah. وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله donc inshallah on continue donc le cheikh explique que parmi eux il y en a des shayatines et des djinns que ces gens-là utilisent qui leur amènent des choses qui ont été perdues par d'autres personnes parce que lorsque quelqu'un a perdu quelque chose cette personne-là elle va aller voir cette personne qui prétend être un wali ou un cheikh ou quelque chose comme ça et il va lui dire moi j'ai perdu telle ou telle chose alors la personne vient et lui apporte la chose perdue et l'autre pense que ça fait partie des signes des miracles ou des prodiges que cette personne l'a fait parce qu'elle lui a ramené la chose qu'elle avait perdue alors que ça fait partie du travail d'un diable parmi les shayatines qui lui a ramené ce qu'il avait perdu dans le but de servir son maître ou bien de servir celui avec qui il travaille parce que les diables sont capables de faire ce que les êtres humains ne sont pas capables de faire et ils peuvent trouver des choses que l'être humain n'est pas capable de trouver. Donc, ils peuvent lui ramener des choses perdues. et lui informer, l'informer de l'endroit où se trouve son argent. Hein, parce que, comme le cheikh explique, que les shayatines, ils ont une capacité de chercher ou de trouver des choses et de voir des choses que les êtres humains ne peuvent pas voir, par exemple. Ou bien, c'est de l'argent volé, hein, de l'argent qui appartenait à d'autres personnes. Et les shayatines volent cet argent-là et l'amènent le ramènent à eux. Et eux, ils pensent que ça, c'est une karam. Hein, hein. Ils pensent que c'est quelque chose que Allah leur a permis de faire. Alors qu'en réalité, non. C'est le shaytan qui fait ça. Ça vient pas d'Allah. Hein. Parce que le shaykh, on vous a déjà expliqué que lorsque un acte surnaturel se produit et que c'est fait par une personne qui est sur la droiture et sur l'obéissance d'Allah, alors là, oui, on considère que c'est une karam, que c'est un prodige divin que Allah a permis à cette personne de faire. Toutefois, si la personne qui fait cet acte surnaturel est quelqu'un qui est dans le kufr ou dans l'égarement, alors on va dire dans ce cas-là que c'est un acte surnaturel que le diable lui a fait faire. Hein, c'est quelque chose de diabolique. Et ce n'est pas un prodige de la part d'Allah. Hein. Et donc il ne faut pas confondre entre celui-là, ce qui vient d'Allah, et ce qui vient du shaitan. Malheureusement, beaucoup de gens ne distinguent pas entre ces deux choses. Le shaykh dit ensuite, « وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَتْ تَدُلُّهُ عَلَى السَّرِقَاتِ » Il y en a qui leur montrent les choses volées. Donc le shaykh dit, le shaykh Al-Fawzan dit à propos de ça, إذا كان لهم إذا سرق لهم شيء جاءوا إلى الكاهن أو من هؤلاء المتصوفة الضلال وهم كهنة يتحولون إلى كهنة فيخبرونهم أين المال المسروق أين مكانه ومن الذي سرقه فيظن الناس أن هذا من عنده هو يعني وهو ليس من عنده بل من عملائه الشياطين. Donc il y a une fois même il y a un frère qui m'a posé la question parce que je pense que sa mère lorsqu'elle perdait quelque chose elle demandait au djinn de le retrouver et il me demandait c'est quoi le verdict à ce sujet là et c'est clair que ça fait partie du shirk. Puisqu'on n'a pas le droit d'invoquer les djinns ou de demander l'aide des djinns. Hein? Ça fait partie de ce qui rentre dans le shirk d'Allah. Il dit ici le cheikh, donc que lorsque certaines personnes se sont fait voler certains biens, certaines choses, eh bien, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur rendre ce qu'ils ont perdu ou ce qui leur a été volé, eux, ils vont voir les médiums ou les voyants ou les sorciers, ou bien ces soufis, hein, ces soufis égarés, qui se transforment parfois en voyants et en médiums ou en diseurs de bonne aventure. Et on en a plein comme ça dans les pages jaunes, hein, dans les journaux et dans les magazines. Hein. Vous regardez par exemple dans les sections des journaux. Dans les sections des journaux des annonces classées par exemple vous allez toujours trouver le grand marabout hein, le grand marabout le voyant yani prétendent que ils ont un pouvoir ancestral de voyance et puis que si par exemple quelqu'un a des problèmes dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans son mariage, ou des choses de ce genre, eh bien, eux, ils viennent et ils disent, hein, nous, on a la capacité de faire des miracles. Et puis, il y en a même qui n'ont pas honte, ils mettent même leurs photos, hein. Ils mettent même leurs photos, yani, subhanallah. Et vous voyez qu'est-ce qu'ils écrivent? Je vous donne un exemple. Hein. vous aide à résoudre vos problèmes d'amour, retour d'affection, désenvoûtement, protection, chance au jeu. Hein? Le seul qui vous fait des consultations approfondies et précises, sans aucun doute, hein? Même les cas les plus désespérés, à des résultats 100% en 3 jours grâce à ces produits africains. Contre les ennemis, examen, travail, amour. Ils disent amour entre hommes et femmes, fidélité absolue entre époux, défaillance sexuelle, difficulté de famille, sport. Hein? T'as des problèmes dans ton sport. Tu vas voir le marabout. Il va te donner des gris-gris, ou bien il va te faire des trucs de sihr. Il dit, si ton mari ou ta femme est parti, tu viens me voir et tu la verras dans la même semaine. Monsieur Baba voit tous les problèmes passés et présents. Maladie inconnue, l'autre lutte contre l'obésité et inversement. Guérisseur, hein, si tu as déjà été déçu par un autre médium, tu viens voir Monsieur Baba. Tu seras obligatoirement content. Une question gratuite. Il te donne une question gratuite. Aoudoubillah. Parce que bien entendu, c'est toujours pour de l'argent. Hein? Il ne va pas faire ça gratuitement. Et Allah al-Musta'an, ils ont écrit efficace, sérieux et puissant. Monsieur Baba, grand voyant, don héréditaire de père en fils, capable de faire des miracles. Venez, hein, venez, la chance vous sourira. Déplacement possible, reçois tous les jours. Obtiens toujours des résultats, facilité de paiement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il y a aussi Monsieur Fatia. Monsieur Fatia, voyant, médium compétent. Hein, grâce à son grand secret et don héréditaire de père en fils depuis 7 générations. Hein, quels que soient vos problèmes, contactez Monsieur Fatia, spécialiste de retour immédiat de l'être aimé, ou qui vous est cher, amour perdu, fidélité entre époux, protection contre les dangers, impuissance sexuelle, commerce, entreprise en difficulté, vente, examen, concours, etc. Travail sérieux, rapide, résultat 100% en 7 jours, en toute discrétion. Même que j'ai entendu que certains présidents français, anciens présidents français, avaient leur marabout, hein, ils venaient les consulter avant les élections, pour savoir s'ils allaient gagner ou non. Allahul Musta'an. Donc tout ça c'est du kufr, du shirk. Celui qui croit en ça, il n'est pas musulman, même s'il se prétend musulman. Et celui qui prétend avoir ces dons-là, ils sont des kuffars aussi, ce n'est pas des musulmans. Hein? C'est du sihr. Ça c'est des gens qui rentrent en contact avec les shayatin. Et ils ne peuvent entrer en contact avec les shayatin et travailler avec les shayatin que s'ils ont fait un acte de sacrilège en retour, un acte de kufr, de shirk. Alors ça, c'est la condition que les djinns ont établie, les shayatins ont établie avec ces gens-là pour pouvoir leur donner un service. Hein? Alors quand vous voyez ces gens-là, vous savez que c'est des kuffars. Et je me rappelle au début de l'islam, quand je me suis converti, et surtout quand j'ai commencé à étudier le tawhid et tout, hein, j'ai lu sur l'interdiction de ces choses-là et le fait que ça c'est du shirk et du kufr. Hein, et j'avais trouvé justement des annonces classées avec le nom de ces marabouts dedans. Ici au Québec, il y en a à Montréal. Alors j'avais pris le téléphone et j'en ai appelé un et je lui ai dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu fais là? Ça c'est du sihr, c'est du kufr. Hein? Il a dit, c'est toi le kufr. Et là, il a raccroché. Après, j'ai essayé de le rappeler, il répondait pas le téléphone. Et vous savez, quand on est jeune, hein, on a beaucoup de patience, et on a peut-être pas beaucoup de patience, mais je veux dire, on a beaucoup d'énergie. On a peut-être un peu plus de zèle, comme on dit. Hein. Alors, je suis sorti dans une boîte téléphonique, je l'ai rappelé. Subhanallah. Il a répondu, je lui ai dit, Taqillah, qu'est-ce que tu fais, c'est haram. Il m'a raccroché encore. Après, je l'ai laissé. Mais c'est pour dire, yani, c'est des gens, hein, ils vivent de ça. Non seulement ils font des sacrilèges pour le shaitan, ils ont vendu leur âme au diable pour pouvoir faire ça, hein, mais en plus, ils le font pour de l'argent. Et si tu leur dis arrêtez de faire ça, hein, si c'était des croyants et qu'ils savaient la vérité et qu'ils croyaient réellement, du moment que tu leur expliques que ça c'est haram, que c'est du kufr et du shirk, et que celui qui fait ça il va en enfer, comme Allah il le dit dans le Coran, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et ils ont su que quiconque, hein, entrait dans ce commerce, faisait ce genre de sihr, il n'a aucune part dans l'au-delà. Hein. Donc si c'était des mu'minines, tu leur dis ça, à la limite si c'était des juhal, des ignorants, peut-être que tu leur expliques, tout de suite ils se repentent à Allah et ils cessent de faire ça. Ils disent, A'udhu billah, je ne savais pas, astaghfirullah al-azim, je cesse. J'abandonne cette pratique et je me repens à Allah sincèrement, hein, et il arrête. Mais tu vois que ça c'est des gens qui sont pas sincères, parce que au contraire ils s'acharnent à vouloir le faire, et souvent comme le cheikh Ibn Taymiyyah le dit, c'est des gens qui non seulement pensent que qu'est-ce qu'ils font c'est bien, hein, mais ils pensent même que ils savent mieux que le prophète. Et qui sont au-dessus des prophètes, au-dessus du Coran, au-dessus de la Sunna. Hein? À la limite, eux, ils pensent même que c'est eux qui peuvent enseigner quelque chose aux prophètes et aux ulama de l'islam, comme il y en a un parmi ces égarés. Hein? Un parmi ces égarés, une fois, qui m'a dit, non, hein? Les ulama qui sont là-bas, hein, à Mecca, à Médine, c'est eux qui doivent venir au Sénégal pour étudier avec nous. Nous, on va leur enseigner l'islam. J'ai dit, ajib, subhanallah. Hein? Donc ça veut dire, comment ça se fait, ils ne savaient pas ça, hein? Comment ça, les ulama, ils ne savaient pas que la science c'était au Sénégal, qu'il fallait aller l'étudier avec les soufis, hein? A'udhu billah. Non, ça c'est l'orgueil et l'arrogance. Nasallallahu al-afiyah. Ici, il y a des ulama au Sénégal, des ulama de la sunna, qui enseignent la salafie, le tawhid, l'ilm. Il n'y a pas de doute, hein, qu'on va y aller. Hein. C'est pas une question de pays. S'il y a des ulama en Chine, des ulama de la sunna qui vont nous enseigner le Coran, le hadith, le tafsir, l'aqida, hein, on s'en va là-bas, il n'y a pas de problème. Hein. Même s'ils sont, par exemple en Nouvelle-Zélande ou n'importe quel autre pays, si c'est des ulama d'Ahlus Sunnah qui appellent à l'islam et qui enseignent la salafia, on va aller étudier avec eux. Au Maroc, en Algérie, n'importe où. C'est pas ça le problème. Le problème, hein, s'ils sont là, mais le problème, on sait très bien qu'ils ne sont pas là. Hein? Donc d'inventer des mensonges comme ça, nasallallahu al-afiyah. Après, le cheikh, il dit, l'exemple que je vous ai donné, j'ai juste mentionné deux là, parmi ces marabouts diaboliques, shayatin. Mais sinon, ça c'est un exemple, j'ai trouvé un frère qui a envoyé d'un journal, je pense, dans les Antilles. Hein? Ils sont même là-bas. Mais sinon, yani, tu les retrouves, même ici au Canada, il y a ça dans les annonces classées, il y a des trucs comme ça. Tu vois, en France, il y en a, tu vois, partout, il y en a. Hein? C'est shayatin al-ins, ces diables humains. Après, le cheikh, il dit, bijou'li بجعل يحصل له من الناس بجعل يحصل له من الناس أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. C'est-à-dire lorsque on leur donne quelque chose en retour, une récompense ou quelque chose en échange, donc ils ramènent, hein, quand par exemple tu les payes ou tu leur donnes quelque chose, eh bien eux ils t'indiquent où se trouvent tes choses volées, hein, ou des choses comme ça. Et Cheikh Al-Fawzan il dit يُعْطُونَهُ أُجْرَةً وَيَحْضُرُ لَهُمْ مَسْرُقَاتِهِمْ أَوْ يُخْبِرُهُمْ أَيْنَ هِيَ مَوْجُودَةً يَقُولُ لَهُ بعيرك أو ضالتك أو شاتك في المحل الفلاني وترعى في كذا إذا ذهب وجدها في المكان من الذي أعلمه من الذي أعلمه الشيطان. Donc le cheikh il dit tu lui donnes de l'argent parce que eux tout ce qu'ils font c'est pour de l'argent effectivement, alors qu'en réalité si c'était des gens vraiment qui voulaient faire du bien, qui voulaient servir les gens, ils ne demanderaient pas un sou. Si c'était vraiment des awliya d'Allah et qu'ils faisaient ça comme karamat. Depuis quand quelqu'un qui fait des karamat, il demande de l'argent pour les karamat? Est-ce que les prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait les miracles, il demandait aux gens, donnez-moi de l'argent si je vais vous faire des miracles? Hein? Jamais. Donc ça c'est des gens vraiment, c'est des shayatins. Hein? Donc il dit, donnez-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, et je vais te dire où est-ce qu'elle est l'affaire qu'on t'a volée. Hein? Subhanallah. Peut-être même c'est eux qui les ont volés même. Hein? Ils le volent, les gens viennent leur demander où est-ce qu'elle est, et après ils disent elle est à telle place. Ou bien sinon, c'est comme le cheikh il dit, c'est les diables qui leur indiquent l'endroit où se trouve l'affaire qui a été volée ou qui a été perdue. Le cheikh il dit وَلَمَّا كَانَتْ أَحْوَالُ هَؤُلَى شَيْطَانِيَّةً. En plus il ne faut pas penser comme le cheikh il explique ici que il contacte les shayatines et le shayatine les informe que telle ou telle chose est à telle place. Il ne faut pas penser que ça veut dire que c'est permis d'aller les voir. Hein? Parce qu'il y a des gens, pour eux, la fin justifie les moyens. Ça veut dire peu importe. L'important c'est que je retrouve qu'est-ce qu'on m'a volé. Donc, est-ce que c'est un moyen qui est permis ou non? Ça m'est égal. L'important, je veux retrouver qu'est-ce qu'on m'a volé. Donc, même s'il faut que je fasse du shirk ou du kufr pour le retrouver, je vais le faire. Donc, ils s'en vont voir les sorciers, ils s'en vont voir les médiums ou les voyants, et puis ils font un contrat avec eux qui comprend bien entendu du kufr et du shirk, hein, parce que d'aller voir un voyant ou un médium c'est interdit, hein, et ça vient en contradiction avec la foi. Donc si tu vas faire ça, ça veut dire que tu as renié ta foi. Donc qu'est-ce que tu préfères, ne pas retrouver ton objet volé ou perdu et garder ta foi, ou perdre ta foi et retrouver ton objet perdu ou ton objet volé? Et aller perdre ton portefeuille ou perdre ton chien ou ton chat ou je sais pas quoi, c'est beaucoup moins grave que de perdre ta foi. Il y en a qui réalisent pas ça, hein? Perdre leur argent, perdre leurs biens, perdre leurs choses, c'est pour eux c'est beaucoup plus grave que de perdre leur foi. Et le cheikh il dit ولما كانت احوال هؤلاء شيطانيه كانوا مناقضين للرسل صلوات الله وسلامه عليهم كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكيه والفصوص واشباه ذلك. Donc le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah il dit, étant donné que ces gens là sont dans des états diaboliques, hein, ils sont en opposition avec les messagers, hein, salawatullahi wa salamuhu alayhim. Et il dit, et Il dit de la même manière que on retrouve ce genre de choses et des choses semblables dans les paroles de celui qui a écrit le livre Al-Futuhat al-Makkiya et Al-Fusus al-Hikam. Et ça, c'est comme on a dit hier, Ibn Arabi. Il fait la promotion de ces choses-là. Le Cheikh Ibn Cheikh Al-Fawzan, il dit lamma kanat ahwaluhum shaytaniyah كانوا مناقضين للرسول عليه الصلاة والسلام. هناك فرق بين من تنزله عليه تنزل عليه الملائكة ومن تنزل عليه الشياطين. فرق بين هذا وهذا. Donc le cheikh explique que il y a une différence entre ceux sur qui les anges descendent et ceux sur qui les diables descendent. Et donc eux, ces gens-là qui font ce genre de pratique, ils sont dans des états diaboliques et qui sont en opposition avec les messagers. Et donc il dit que ensuite il dit wa aktharu hadhihi ad-dalalat kulluha mawjudatun fi hadain al-kitabain l'Ibn Arabi al-Hatimi al-Ta'i. Et donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit que la plupart de ces égarements là qu'on a mentionnés sont présentes dans ces deux livres écrits par Ibn Arabi al-Ta'i, Al-Futuhat al-Makkiya wa Fusus al-Hikam. Et j'ai vu ces livres-là dans certaines librairies, dans des pays comme la France par exemple, dans certaines librairies arabes, ils vendent les livres d'Ibn Arabi, comme si rien n'était. Et le Cheikh il dit ensuite, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, يَمْدَحُ الْكُفَّارُ مِثْلَ قَوْمِ نُوحِ وهود وفرعون وغيرهم ويتنقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين. Donc il dit, Ibn Taymiyyah, il dit que Ibn Arabi, il glorifie les kuffars comme le peuple de Noé, le peuple de Houd, le peuple de Pharaon et d'autres, et il dénigre, il rabaisse, il diminue les prophètes comme Nuh et Ibrahim et Moussa et Haroun alayhim salatu wassalam. Et il critique également les grands chouyouch parmi les musulmans qui sont glorifiés chez les musulmans. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit لِأَنَّ فِي كُتُبِهِمْ مَدْحُ الْكُفَّارِ وَأَنَّهُمْ أَبْطَالِ وَأَنَّهُمْ لَهُمْ مَكَانَةِ فَيَمْدَحُونَ قَوْمَ هُودٍ وقوم صالح وقوم نوح لأنهم إخوانهم لأنهم كفار مثلهم فيمدحونهم. مع الأسف الآن وجد من كتابنا من يمدح ابن عربي ويقول هؤلاء أصحاب أفكار نيرة ولكن أنتم تحسدونهم وأنتم وأنتم ويلقي باللائمة على الخلفاء الذين قتلوا هؤلاء ويقول هؤلاء قضوا على الفكر المستنير. هذا موجود في بعض صحفنا مع الأسف. Donc le cheikh il dit, pourquoi il glorifie Ibn Arabi, il glorifie les kuffars, parce que le cheikh il dit dans leur livre il glorifie les kuffars et il les décrit comme étant des héros et qu'ils ont un statut. Pourquoi il les glorifie? Il glorifie le peuple de Houd, le peuple de Salih, le peuple de Nuh, parce que ce sont leurs frères, parce qu'ils sont des koufars comme eux. Alors il les glorifie. Et le cheikh il dit, et ça, et malheureusement à notre époque, il dit, on a trouvé même certains parmi les journalistes et les écrivains qui glorifient Ibn Arabi et qui disent à son sujet que à son sujet, c'est-à-dire à son sujet de Ibn Arabi et de ses semblables, que ce sont les gens qui ont une pensée illuminée et qu'ils disent vous êtes jaloux d'eux, et ils blâment et ils critiquent les khulafa de l'époque de ces égarés-là de les avoir exécutés. Pourquoi ces khulafa ils les ont exécutés? Et j'ai lu même dans certains livres des soufis qui disait que ils ont exécuté Al-Hallaj et Ibn Arabi parce que à cette époque-là, les khulafa, ils étaient que dans la dunya et yani ils n'avaient pas de spiritualité, de yani toutes sortes de paroles batila, complètement fausses. Parce que les khulafa, au contraire, ceux qui les ont exécutés, c'est uniquement parce que justement ils avaient la ghaira, une ghaira pour l'islam, une ghaira pour l'aqidah et pour défendre la vérité. Et quand ils ont vu ces égarés, ces hérétiques défendre le faux et critiquer et combattre le vrai, hein, défendre le shirk et le kufr, eh bien ils les ont arrêtés et finalement ils les ont appelés à la repentance. Et lorsqu'ils ont refusé de se repentir, ils ont été exécutés. Hein? Et donc ils disent, ces écrivains-là à notre époque, ils ont détruit la pensée illuminée, hein? La pensée des lumières, comme ils disent. Et donc ils disent ça, on retrouve ça malheureusement dans certains de nos journaux. Après, il mentionne à propos de l'autre passage qu'il diminue et il rabaisse les prophètes comme Nuh, Ibrahim, Moussa et Haroun. Et le cheikh, il dit « هذا شيء ضروري أن من مدح الكفار وأثنى عليهم سينتقص الرسل وأتباعهم ويصفهم بالغباء ويصفهم بأوصاف قبيحة. » Donc il dit ça, c'est normal qu'ils vont dénigrer les prophètes puisqu'ils glorifient les kuffars. Donc celui qui glorifie les koufars et qui fait l'éloge des koufars, c'est normal qu'il va dénigrer les messagers et ceux qui ont suivi les messagers, et qu'ils vont les décrire comme étant idiots, stupides, ou les décrire par toutes sortes d'autres caractéristiques qui sont laides et mauvaises. Ensuite, le cheikh il dit وَيَظُمْ شُيُوخَ الْمُسْلِمِينَ الْمَمْدُوحِينَ أَوَ الْمَحْمُودِينَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ. Donc il blâme les shuyukh musulmans qui sont glorifiés chez les musulmans. Et le cheikh il dit وَهَذَا وَاضِحٌ أَنَّ مَنْ مَدَحَ الْكُفَّارِ وَأُعْجِبَ بِهِمْ سَيَنْتَقِسُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا سِيَّمَا الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَهُمْ يَظُمُّونَ الْأَنْبِيَاءَ وَيَظُمُّونَ وَرَثَتَهُمْ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يعني وورثتهم لأن الأنبياء وورثتهم يقفون في طريقهم ويبينون ضلالهم فيقعون في العلماء ويتنقصونهم ويستغفرونهم ويقولون فيهم ما يقولون وهذا شيء موجود الآن كما أشرت في بعض الصحف. Donc le cheikh il dit, et cette chose-là c'est évident qu'il blâme les savants de l'islam, les shuyukh de l'islam, puisque quiconque glorifie les kuffars et qui est ébloui par les kuffars, c'est normal qu'il va diminuer les musulmans et rabaisser les musulmans, en particulier les ulama de l'islam, parce que les ulama de l'islam sont les héritiers des prophètes, et eux ils blâment les prophètes, donc c'est évident qu'ils vont blâmer les héritiers des prophètes, hein, parce que les prophètes ainsi que leurs héritiers se tiennent dans leur voie et dans leur chemin, et ils clarifient aux gens leur égarement. Alors c'est normal qu'ils vont attaquer les ulama et faire et diminuer les ulama et les accuser d'être insouciants ou d'être égarés ou des choses comme ça, et de dire ce qu'ils disent à leur sujet. Et ça c'est connu, et c'est des choses qui existent maintenant, comme on l'a mentionné dans certains journaux, dans certains écrits, hein. Surtout dans les journaux, il y a les journalistes, et quand vous regardez par exemple ceux qui travaillent dans les médias et dans les journaux, parmi les arabes et parmi les non-arabes dans les pays musulmans arabes ou non-arabes, il y a une catégorie de ces journalistes qui ont une idéologie ou une mentalité 100% occidentale. Hein, ils sont occidentalisés ou oxydés, j'allais dire oxydés. Non, ils sont occidentalisés jusqu'à l'os. Hein, et tout ce qui vient des musulmans, ils le dénigrent et ils le rabaissent. Et tout ce qui vient des koufars, ils le glorifient et ils l'élèvent. Hein, Et donc, ils vont même regarder tout ce qui a rapport avec l'histoire de l'islam, hein, et ils vont le descendre et le rabaisser au plus bas point. Et ils vont peindre une image de l'histoire islamique, hein, et des savants de l'islam la plus sombre, hein, qu'on puisse imaginer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tandis que ils vont dépeindre les kuffars sous la plus belle image et le plus beau, hein, le plus beau, le plus belle représentation possible. Et les jeunes, beaucoup de jeunes qui grandissent justement en écoutant ce genre de discours, eh bien, ils sont affectés et influencés par ça. Et, yani, subhanallah, c'est ça ce qui arrive par la suite, tu vois, que des jeunes qui sont complètement déviés, complètement déraillés, hein. Allah musta'an. Le cheikh, il dit ensuite, Kal-Junayd ibn Muhammadin. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Demain, on continuera. Pas demain. Demain, c'est vendredi. Donc, demain, ce sera un autre livre. Mais on reprendra ce cours-là la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته